pour ma paix. Donc je réponds plus quand il m'appelle. T'es trop belle pour être fidèle. Je vais finir seule. Je roule ma peine dans ma veille, je les tienne. C'est mon défaut, ça m'a vénère. J'ai de la peine, je vis de la taille comme un dingue. Dans ma tête c'est le chaos. Dans ma tête c'est le chaos. Y'a quelque chose qui tourne pas en rond. Et c'est toujours la même qu'hier. Dans ma tête c'est le chaos. Je frôle la mort, je bosse dans le calme, je reste en hors la loi. Le passé, je vais la boîte, sauter des étapes. J'irai jamais en cage, personne me remplace. Ici, je respecterai que le daron. Je reviens de loin, mais j'ai un tour d'avance. Je suis pas sage, je suis vite tout là-haut. Si seulement je voyais la vie en rose. Tu crois qu'on restera dans le quartier? On va chercher l'or avec l'acier. Le lendemain, je serai meilleur. Avant que la fauche vienne me chercher. On a connu la paille, juste un million, je me calme. On a connu la paille.